96.2. La FM en couleur. Sur le 96.2, si vous venez nous rejoindre, c'est Chantal avec vous jusqu'à 20h. C'est votre émission Groupe Tropical, un groupe tropical en direct cette fois-ci après une petite pause d'une quinzaine de jours. Je suis ravie de vous retrouver. On va partager un très très bon moment ensemble avec du très très bon son, du zouk bien entendu, mais aussi du compas de Guyane et puis un petit peu de kiss, allez, pour nous faire plaisir. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec ce morceau. Mon bébé! 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. assise avant la veille. Mon cœur t'a validé, c'est toi mon bébé. Mais appelle-moi bébé. Je suis prêt à tout te donner. Les autres mecs, tu peux les oublier. Ton compte à gauche, tu peux supprimer. Désormais, appelle-moi bébé. Mais t'en fais pas. Laissez-moi pour parler. sur Arc-en-Ciel 96.2 dans votre émission Groupe Tropical. La vie est belle pour lui, c'est Richard Virman, extrait de son tout dernier album. C'est une nouveauté justement sur le 96.2 pour vous faire plaisir. On va continuer comme ça avec la jeune fille s'appelle Kim C. J'ai retrouvé ce titre-là, c'est un petit souvenir. Moi, je vous propose tout de suite de l'écouter avec ce titre Vivre sur le 96.2 Groupe Tropical jusqu'à 20h. C'est Chantal qui vous accompagne. Désolé, je m'en prends un peu mon temps. personne n'est vacciné, non, non. Fini tout est ça qui passait. Yeah. À la boîte aux Records. Jessica, eh, eh, oh la la, ou mettez-moi tête en bas, maman. Jessica, Jessica, Jessica, eh, eh, oh la la, ou mettez-moi tête en bas, maman. She bad mind if you ask me. Yeah, she always whining like a factory. No lie, she top three since last week. Yeah. I don't need nobody around me to hold me and take me. You said that you need my control. Hold you and kiss me and tell me you miss me. I wonder the nights when you leave me alone. I play my spade when the card up is poker face. Baby, I promise I'm never gonna fold. Can't say that my heart ain't ever. Jessica, Jessica, Jessica, yeah. Oh la la, oh la la, oh la la, Jessica, Jessica, Jessica, yeah. Oh la la, Latino gang, gang, let's go. Mírala como va, con su cara de maldad. Cuando camina lo del gueto pone mal tu privado. Me voy pa' general, este es tiempo que en este culo quiero estrellar. Jessica, tenemos algo que resolver. No te me hagas la tímida, que sabemos lo tuyo bien, no te escondas. Jessica, tenemos algo que resolver. No te me hagas la tímida, que sabemos lo tuyo bien. Yeah, baby, man. Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Arc en ciel 96.2 de votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. C'était Jessica tout simplement avec Michael Brun sur le 96.2. Tiens, un petit retour en arrière, je pense que je vais faire plaisir à ceux qui aiment le compas, les légendes du like, hein, les aiglons, c'est pour vous, c'est pour toi Marie-Hélène, avec plein de bisous. Désolée, tu l'auras après. Ça fait partie, tu sais, quand t'as les doigts qui te chatouillent comme ça, et ben tu vas pas sur la bonne piste. C'est pas grave. On va s'amuser quand même avec Tibaï, c'est ma barrée. Allez, 18h-20h, votre émission Groupe Tropical. J'ai dit qu'elle est même Louis, baby, oui. Baby, qui t'aime, quartier. J'ai dit qu'on vit quartier. Enfin, elle est en mode, j'ai dit qu'on vit quartier. Sur le plus grand bateau, j'ai dit qu'on vit quartier. se sa prata nou Jeli mou vi gatsè Mene kou nek sa bon Jeli mou vi gatsè Tande Jeli mou vi gatsè Mou vi ta voyage pou fondi tout sa kon Lè Fè kon ki l'eksperyans Kèm lè pa sa jè Ma pou nè tout se lè Mwen ki lè sa fè kon pou lè maman Jeli kèm lè men mou vi gatsè Baby, kite, gatsè Jeli mou vi gatsè Amene ansen mou Jeli mou vi gatsè Tout kote Jeli mou vi gatsè Bagay mou ton apitue Jeli mou vi gatsè Mwen pral gatsè Jeli mou vi gatsè Mwen pou kè chéri Mwen pa Jeduli, wakone, yes I. We'll be right back. décide pour pas en souffrir. Parce que moi tout seul là c'est la terre. Faut décider pour pas prendre misère. Parce que moi-même moi j'ai pas trop faire. Faut décider pour pas faire moi attendre. Parce que moi t'es que t'es encore. que tout ça on fait dans la vie gagne conséquence. Est-ce que vous pensez, moi toujours être jeune? Mais vous vivez, vous qui est-ce qu'on campait à faire demain? spéciale, votre émission Groupe Tropical. Pika, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis troublée d'ailleurs, hein, parce qu'il a une voix magique. Monsieur Pedro alias Pierre Michel du groupe Japot. Le titre, c'était. C'était carrément. J'adore. Après Arlie Larivière, Richie, et ben maintenant on a Pedro. L'une des plus belles voix d'Haïti sur le 96.2. La musique continue avec la demoiselle s'appelle Jessica. Ici à nous à distance. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. mélanger l'esprit en nous, penser dans l'unité. Pas souffrir, faut nous croyer à nos mêmes. Oui. C'est ça même. What's up? Joie, l'amour, sincérité, qui fait de toute la santé. Un tout nouveau groupe, comme les artistes qui les composaient. Patrice Hulman, bien sûr, le chanteur de groupe Kassav, Jimmy Desvarieux, Justine Leval, David Martial et Jean-Marc Ferdinand. Rien que ça sur le 96.2 dans votre émission Groupe Tropical. Moi, j'adore ce groupe. Hein. C'est tout nouveau. Allez, restez bien calés sur le 96.2, ça continue comme ça. Don't pas quoi ça.

touche braque sou. Je tout cas semble écoute bien lourd. Même femelle me vim pour la cour. Et ça qui campe au jaloux. Ou met tout moun au garde à vous. Personne baga fait demi-tour. Chaque fois ouvert bouchou pour parler. C'est vous qui rêvez, vous méritez beaucoup ta mère. Vous mettez l'attention dans la terre. métier, t'en couillant l'or. Baguettant, pour mon bébé, pas mon honneur. A pas nous là, nous bien contents, mon acheté, mon adressé. Ma promesse, fanatique, yo, ak meloma qui kemen là. Abnégation, bonne volonté, amour sincère. C'est ça qui fait la plus belle mélodie. C'est tout mon sourire. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical sur Orléans, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Non, pour pleurer. C'est bien, ça va être bien ce qui va arriver. Allez, très très bonne soirée en ma compagnie. Chaque fois, mon gars, il y a un bon nom bleu. well. Guys arrive au oh well. Miss arrive au oh well. Je m'en vais. Attends encore juste un peu. Just fait là. Moi qui tout prêt à tout texte de téléphone, moi. C'est nous chaque jour qui a bandas. Nous qui a bon conseil qui a bon bel fias. Des gars fait des blue time. Pour j'ai parti ouai, pour j'ai les amis d'ailleurs. C'est pas qu'on aime pas qu'on est. Juste fait un choix pour vivre bien. Essayez de consoler le bouillon plumé. Bien, c'est qu'à nous partager. Mais je répète, c'est nous foutons comme un fan. Bien, ça qu'à porter à l'époque tourné. Qui même lui dit, ménage, mais bon, mais vous me gagnez. Nous pouvons faire quoi fâcher, les élèves pas tomber. Mais c'est là, c'est nous nous dire. Mais c'est nous chachou d'abombard. Nous capons nous c'est qu'à nous belle chasse. Des gars, des blondes, ils préfèrent pas dire ouai, comme j'ai les amis. map sincère, si map selve te seigneur, non non mwen pa pwè. Si sa nvle mpa pwè. Nou vle mwen nou seigne, mi an jouet na bon kou. E sa tou denye fwa mwen fini ak l'amou. Moun pa sincère, fè sa nou vle mpa pwè. Je file le mot, je t'aime, désolé de vous décevoir. Mon cœur en a assez de ces égards des mêmes histoires. Posez les mêmes allergies. Bouquet plein et bouquet souffri. Je file le mot, je t'aime, j'ai peur d'être tout seul dans le noir. Assis dans le même coin, épuisé le fond de ma mémoire. T'as qu'un bail, personne garantit. C'est comme des plaintes faites comme midi. C'est nos femmes malades. Vagabond, vagabond. Oui, c'est nos femmes malades. Vagabond, vagabond. Hey, pour elle. Et puis samedi, y'a m'en vais dans vagabond, vagabond. Y'a gens sont vagabond, vagabond, vagabond. Joël qui fait vagabond, vagabond, vagabond. Et vous êtes dans mon temps, vagabond, vagabond. Et puis samedi, y'a m'en vais dans vagabond, vagabond. je t'aime, désolé de vous décevoir. Mon cœur en a assez de ces histoires, des mêmes histoires. Vous aimez même en allergie. Bouquet plein et bouquet souffri. Je fais le mot, je t'aime, j'ai peur d'être ça dans le noir. Assis dans le même coin, épuisé le fond de ma mémoire. Pas qu'un bail, personne garantit. C'est qu'on ne fait plus qu'un midi. C'est nous faire une balade. Oui, c'est nous faire une balade. Vagabond, vagabond. Hey, pour elle, nous sommes dedans. Vagabond, vagabond. Et puis samedi, à me lever. Vagabond, vagabond. Y'a j'en sont vagabond. Vagabond, vagabond. Yo, elle qui fait une vagabond. Vagabond, vagabond. Hey, pour elle, nous sommes dedans. Vagabond, vagabond. Et puis samedi, à me lever. Vagabond, vagabond. Arc-en-ciel 96.2 sur Orléans, c'est votre émission Groupe Tropical. Et ça se termine. Non, non, vous inquiétez pas, je vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit, même soleil pour la même musique. En tout cas, sur le 96.2, je vous remercie de votre fidélité. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Crétin, y'a pas de magie. On se souvient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les babies, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, baby. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, tu babes, c'est tout droit. La carte des plaques, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, tu babes, c'est tout droit. La carte des plaques, disons alléluia. Da, da, da. Baby, je l'étale, vini. Da, da, da. Vini, vini, pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. J'ai rime sous ça. Campé, da, da, da. Si t'es pas son à la santé, je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats. Allez, trop tard. Depuis le vent des roses, il n'y a trop tard. Elle m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Mais c'est trop bas. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, with me, baby, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Yo, Judas. Si comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, tu baises de tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Baby, je l'ai tendu. Vini, vini, pas timide. Rêve en Lamborghini. J'ai rime sous ça. Campé dans la nage. Parmi les familles. Oui, BBL, baby. Parmi les familles. J'ai rime sous ça. Campé dans la nage. Vini, vini, pas timide. Drive en Lamborghini. J'ai rime sous ça. Campé, da-da-da. Parmêlé, parmêlé. Da-da-da. Pour le BBL, baby. Da-da-da. Parmêlé, parmêlé. Da-da-da. J'ai rime sous ça. La FM en couleur. Temos a equipa inicial que o selecionador português escolheu para o jogo desta noite com a Dinamarca, a contar para os quartos de final da Liga das Nações. 11 graus a esta hora em Lisboa, 13 no Porto e em Faro, 15 Ponta Delgada, 18. As notícias com Nuno Rodrigues.